Je voudrais ta tête sur mon épaule. Je voudrais te serrer contre moi. Ne plus jouer, quitter le rôle pour te connaître, devenir toi. Je voudrais traverser la terre, tenir ta main et la serrer. Foutre en l'air toutes les frontières qui nous empêchent de nous toucher. Je voudrais te parler sans cesse pour mieux t'entendre et t'écouter. Réhabiter à ton adresse, ne plus jamais devoir pleurer. Je voudrais toute la tendresse, tous les frissons te les donner, faire partie de toutes tes détresses, celles que tu as gardées cachées. Je voudrais les mots pour te dire, une symphonie, un opéra, en des milliards d'éclats de rire te redonner un peu de joie. Je voudrais faire le pitre, un musical à moi tout seul, écrire un livre sans chapitre avec toi, me saouler la gueule. Je voudrais qu'on tombe dans la boue, que l'on s'enlace comme des enfants, qui en ont marre d'être debout, de dire merci à leurs parents. Je voudrais faire le con à la messe, tirer le diable par la queue, et dire des mensonges à confesse, et me refoutre du bon Dieu. Je voudrais arrêter les heures, et redevenir tout petit. Je voudrais toute la chaleur et rester toujours ton ami. Je pourrais réchauffer l'hiver, marier l'automne et le printemps, et monter dans ta montgolfière, s'envoler jusqu'au firmament. Je voudrais que tu sois Don Quichotte. Je te suivrai comme Sancho, preux chevalier, chausser tes bottes pour voir le Kilimandjaro. Alors, on traverserait la plaine jusqu'à épuiser nos chevaux, et tu deviendrais capitaine sur le plus joli des bateaux. Je voudrais des fées et des sorcières et des dragons crachant le feu, vivre enfin toutes nos chimères et ne jamais devenir vieux. Je voudrais le mal qui te fait mal, le prendre en moi pour le détruire. Plus jamais devoir souffrir. J'ai des sanglots qui me frissonnent. Je veux pas être fort, je veux pleurer. Je veux pleurer comme personne pour que tu puisses me consoler. Je voudrais redevenir ton Gavroche, guetter tes pas comme un bonheur. Je voudrais redevenir ton mioche et t'appeler parce que je sais pas. Papa, je veux pas que tu meurs. Je te revois dans la cuisine, silencieux et boucon, boire ton café, fumer tranquille, transistor et information. Tu te levais comme tant d'autres, 5 heures du mat et sans frisson. Chaque matin comme les autres, tu te levais sans illusion. Je te revois dans le couloir, mettre ta veste et ton béret, ouvrir la porte, et tous les soirs, fatigué, tu nous revenais. J'entends encore ta mobilette, l'hiver brouillard et puis l'été. Des pas résonnent dans ma tête, je t'ai toujours vu te lever. Je t'imaginais à l'usine, blotti dans tes arrière-pensées, au nom de ceux qui nous dominent, tu t'es abîmé la santé. Tu as vécu en solitude, tu nous as dit si peu de mots, et toutes ces putains d'habitudes qui te faisaient courber le dos. Toutes ces heures sans importance qui font la vie des petites gens. Tous ces lundis, tous ces dimanches, tous ces mariages, ces enterrements. Tu as trinqué au quotidien, au jour foutu, au jour meilleur. Même si ta vie ne sert à rien, elle est ma force et ma grandeur. Tu as trimé mon petit père. Tu as souffert bien plus que moi. Je suis ton fils et j'en suis fier. Oh non, je ne t'oublierai pas. Je cherche encore pour te décrire. Je cherche au ciel de mes pensées quelques images, des souvenirs. Je cherche encore à te parler. Qui étais-tu, soleil dans l'ombre, paysage de mon enfance, ton doux regard parfois si sombre. Dis-moi, papa, à quoi tu penses? J'ai des sanglots qui me reviennent. Tu sais, papa, je t'aimais bien. Et ces sanglots, quand ils me viennent, ce sont des cris de petits chiens. On comprend mal quand on est môme pourquoi le père rentre trop tard. On se bat contre le fantôme d'un homme qui cache son cafard. Je voudrais monter sur une montagne, parler aux arbres, cracher au ciel. Je voudrais revoir ta Bretagne et m'endormir à côté d'elle. Je voudrais foutre le feu aux usines car elles t'ont déchiré la peau. Hurler cette guerre d'Indochine qui a blessé tes yeux si beaux. Papa, je veux pas que tu meurs. Je voudrais changer le monde. Le monde entier. Que les gens comme toi, on les respecte. Combien sont-ils à travailler pour quelques-uns qui font la fête? Je voudrais te voir heureux, devoir faire la grasse matinée. Je voudrais qu'au fond de tes yeux renaissent des belles journées. Tu sais, papa, je t'ai souvent regardé et sans rien te dire, je voulais t'aider. Mais il faut grandir. Je t'ai craché à la figure des mots d'adolescent perdu. Tu sais, papa, je te le jure, tous ces mots-là ont disparu. Je veux pas que tu meurs. Tu étais seul toute ta vie. Les enfants, les devoirs, les fins de mois, tous les soucis, la mère souvent qui en a marre, les déménagements, les engueulades et le désespoir, tous les après-licenciements, une autre place et puis l'espoir. Mais toi, tu t'étais mise à boire comme pour aborder quelque part. Je veux pas que tu meurs. Pourtant, il y eut tellement de joie. Des jours à faire péter la terre. Des jours à réveiller les gens. À déterrer les cimetières. Tout me revient, mes frères, mes sœurs. Et toi, jouant de l'harmonica. On te disait, vas-y papa, tu nous jouais le dénicheur. C'était ça le bonheur. Je me souviens. C'était Noël. Et tu décorais le sapin, on aurait dit un arc-en-ciel qui s'était posé sur tes mains. Ah, l'harmonica. Il nous faisait faire le tour du monde. Avec des histoires de marins, on apprenait que la terre est ronde. On se baladait dans tes embruns, c'était ça le bonheur. Tu soufflais dans l'harmonica et ma mère valsait sur la table. Le petit vin blanc, la Paloma. Et d'Amsterdam à ta Bretagne, on voyageait sans un centime. On frissonnait en rose blanche. On s'étoilait en nuit de Chine. Et c'était tous les jours dimanche. Alpe, tu sais papa, quand la vie me franchit, je pense à ton harmonica. Je veux pas que tu meurs. Face à la mort comme des dingues, on va chanter, on sera bien. Tu craches au cul de ton cancer, il n'est pas fini ton chemin. Face à la mort, mon petit père, faut te lever comme un matin. Je veux pas que tu meurs. Faites silence, s'il vous plaît. Pas de cimetière, pas de curé. Mon père, la mort, il la déchire, et tant pis pour les chrysanthèmes. Les croque-morts n'ont rien à dire. L'harmonica va rechanter. Je veux pas que tu meurs. Allez, lève-toi, mon petit père. Je te serrerai contre moi. Je veux serrer le monde entier. Je t'en supplie, ne t'en va pas. J'ai tant besoin de te parler. Je veux ta vie comme elle est. Ne rien changer dans la maison. J'accroche à mon cœur ton portrait. Je redeviens petit garçon. Je voudrais pour toi toutes les étoiles, je voudrais pouvoir te câliner. Je voudrais plus que tu sois mal. Je voudrais avoir le droit de t'aimer. C'est con la vie, comme tu disais. La tienne s'en va vers quel pays? La tienne, tu sais, moi j'y tenais, je voudrais la garder ici. Papa, je veux pas que tu meurs. Je veux pas. Et ton voyage solitude te conduit jusqu'à l'hôpital. Pour toi, la vie redevient rude. Pourtant, tu n'as rien fait de mal. La maladie bouffe ta gorge. Tu affrontes l'opération. Restent tes yeux qui interrogent. Je te regarde plein d'émotions. Ça me fait chialer, ça me fait mal. Je voudrais gueuler des mots banals. Que l'on crie quand on a mal. Tu as jeté des cigarettes, tu n'avaleras plus de fumée. regardes par la fenêtre, tu te recroquevilles dans tes pensées. Tes mots s'éteignent devant nous. Tu ne joueras plus d'harmonica. Pourtant, tu resteras debout. Faut pas que tu meurs. Il faut pas. Et tu m'écris sur ton ardoise. C'est les dimanches qui sont longs. Mais peu à peu, tu apprivoises les nuits qui viennent, les jours qui vont. Dans cette chambre d'hôpital, je repense à toute ta vie. Tu te bats seul, ça me fait mal. Je quitte l'hôpital, le ciel est gris. Je voudrais briser ton silence, te couvrir d'étoiles de mer. Fermer la porte de ta chambre, que tu fasses l'amour à ma mère. Je veux pas que tu meurs. Je voudrais vous regarder danser, champagniser tous vos regrets. Je voudrais que tu puisses parler, pour que l'on sache qui tu étais. Je veux pas que tu meurs. Je voudrais réveiller les voisins et faire la fête jusqu'à tomber. Je voudrais tes histoires de marins dans tes embruns, revoyager. Je voudrais ta tête sur mon épaule. Je voudrais te serrer contre moi. Je veux pas que tu meurs. Je ne veux pas. Parce que je t'aime.